ubushikiranganje bwo kubungabunga magara y'abantu no kugwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Merci pour votre fidélité à nos ondes. Bienvenue mesdames et messieurs à l'écoute de ce journal. En voici tout de suite le menu. À Kayanza, on reviendra sur la question des pensions des anciens fonctionnaires de l'État en retraite. Ces derniers disent qu'ils n'ont pas perçu leur pension depuis juillet dernier. Ils demandent que ce problème soit réglé. On y revient dès le début de cette édition. Dans l'émission publique de ce vendredi, le ministère de la fonction publique a rassuré que la question en rapport avec les retraités sera réglée dans un avenir proche. Et les agriculteurs de différentes communes de la province Cibitoke plaident pour l'obtention des semences de maïs. D'après eux, le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage ne les leur donne pas alors qu'ils sont disponibles. Vous aurez les détails. Voilà pour l'essentiel. Doré Bingabilé, je suis à la présentation. Albert Douayo assure la mise en onde. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bienvenue encore. Les anciens fonctionnaires de l'État en retraite depuis juillet cette année en cours en province de Kayanza indiquent qu'ils croupissent dans une misère sans nom parce qu'ils n'ont pas reçu de pension. Certains parmi eux disent d'ailleurs que dans les banques et les microfinances, ils sont inscrits sur la liste des débiteurs défaillants. Ils demandent que ce problème soit résolu. Akeza Anatole, le représentant de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, antenne Kayanza, trouve que les règles régissant les frais de pension des retraités devraient à chaque fois être mises en application, s'entraîne Patrick Nzengiyumba. Certains de ces anciens fonctionnaires de l'État aujourd'hui en retraite à Kayanza depuis juillet de l'année en cours contactés disent qu'aujourd'hui ils ne sont plus capables de subvenir aux besoins fondamentaux de tous les jours depuis que leur salaire mensuel avait été suspendu. Certains déplorent d'ailleurs qu'ils trouvent difficilement du matériel scolaire pour leurs enfants scolarisés. D'autres indiquent que la réalisation de mini-projets de développement dans leur famille n'est plus également possible du fait qu'ils ne sont plus rémunérés depuis juillet. Ces anciens fonctionnaires de l'État aujourd'hui en retraite à Kayanza demandent que les questions trouvent solution, étant donné que selon ces retraités, le numéro 1 burundais avait promis ces derniers jours que la question concernant les frais de pension des retraités sera traitée par des instances habilitées de façon à ce qu'ils puissent continuer à assurer leur survie et celle de leur famille. De l'autre côté, Akeza Anatole, représentant de la Confédération des syndicats du Burundi, Antene Kayanza, voit qu'il faut que la mise en application des règles régissant les frais de pension des retraités se fasse sans que les retraités en de dures épreuves. Selon lui, un fonctionnaire de l'État en âge de retraite a beaucoup contribué dans le développement du pays, d'où il fallait que le gouvernement en tienne compte pour son traitement dans la retraite. Vous saurez que cette année, les fonctionnaires de l'État aujourd'hui en retraite a été pour la plupart d'entre eux une surprise, ce qui d'après eux causera problème dans des banques où ils ont contracté des dettes qui seront remboursées dans une échéance qu'ils pensaient qu'ils seraient encore au service du pays. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganilo. Merci à toi Patrick. Et concernant cette question, 90% des documents nécessaires pour les retraités ont été produits par le ministère de la fonction publique. C'est la réaction du ministre de la fonction publique au cours de l'émission publique de ce vendredi. Venuste Muyabaga promet de vider toutes les questions en rapport avec les retraités dans un avenir proche. Suivez-le dans cette traduction française de Jean Dodieu, il a causé. Ibice bishika 90% byabo kukuruke baramaze kuronka ivyo. Au sein de notre ministère, 90% des retraités ont déjà obtenu tous les dossiers nécessaires. La suite, c'est de les déposer à l'ONPR et à l'UNSS pour la régularisation. On adresse nos excuses à cette autre partie qui reste. C'est lié aux problèmes techniques qui ont coïncidé avec le programme du gouvernement concernant la digitalisation des services. Il y a des dossiers qui n'ont pas été disponibles, mais pour le moment, on se focalise sur cette catégorie des retraités restantes. Nous vous tranquillisons que d'ici peu, la question sera résolue. Nous sommes conscients que les retraités ont le droit de recevoir la pension. Le ministère ne ménage aucun effort pour vider cette question. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro Actuality nationale continue parlant environnement. La population devrait contribuer dans la lutte contre la propagation et dépôt des déchets en plastique qui ont des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Pierre Ndouaye, président de l'Association burundaise des consommateurs à Boukou, l'a dit ce vendredi lors d'une réunion sur la gestion efficiente dans le cadre de l'économie circulaire. Il appelle chaque citoyen à déposer les déchets dans des endroits appropriés comme des poubelles, Pierre Ndouaye ajoute que ces déchets peuvent être transformés en d'autres objets qui peuvent être utilisés. Suivez-le. Nous savons d'abord le pas qui a déjà été franchi par le gouvernement en interdisant l'importation, la fabrication et la commercialisation, l'utilisation des sacs en plastique depuis 2018. Nous saluons aussi les efforts qui sont en train de consentir, notamment en appuyant les opérateurs qui sont déjà lancés ou qui veulent bien se lancer dans le cadre de l'économie circulaire. Et nous lançons aussi un appel surtout à la jeunesse. Et si, dans ce plan, nous invitons les journalistes. Vous savez que vous portez la voix plus loin. Et essayez de sensibiliser la jeunesse, de s'impliquer justement dans la transformation de ces sacs en plastique qui constituent aussi bien un danger pour la population sur le plan sanitaire qu'environnemental, mais qu'ils utilisent ces sacs en plastique dans le cadre de l'économie circulaire, comme vous l'avez entendu. Et le représentant du ministère ayant l'industrie dans ses attributions a déclaré solennellement que le gouvernement est bien disposé à appuyer tous ceux qui se lanceraient justement dans le cadre de l'économie circulaire, c'est-à-dire la transformation des déchets en plastique en des objets d'usage qui peuvent être utiles à la population. La BOCO a pris le devant pour faire cette sensibilisation, mais on le fait via vous les journalistes, et vous avez beaucoup de canaux, vous avez beaucoup d'émissions que vous organisez. Essayez de porter la voix plus loin, mais aussi il y a le gouvernement justement et là pour appuyer toute initiative attendant à s'impliquer dans l'économie circulaire. Parlons sport à présent. La compétition d'athlétisme pratiquée sur la route a eu lieu ce samedi en mairie de Bujumbura. Gwizera Dieudonné, président de la Fédération burundaise de l'athlétisme, indique que cette compétition contribue dans les préparatifs de la compétition nationale et mondiale. C'est au moment où la Fédération internationale d'athlétisme recommande d'organiser des championnats nationaux. Écoutez. Cet événement vient à point nommé et parce que, vous le savez bien, on vient maintenant de commencer les championnats du monde sur route. C'était le 1er octobre de ce mois, là où les premiers championnats du monde sur route ont commencé. C'était à Riga, en Lituanie. Nous avons été représentés par 7 athlètes, dont 2 dames. Donc, nous nous réjouissons par cette initiative de l'ambassadeur et nous réjouissons aussi des résultats que nous avons eus aujourd'hui de par le biais des dames, le biais des messieurs. Vous avez vu le vainqueur de cet événement chez les hommes, et c'est le numéro 7. Et c'est le numéro 7 mondial. Vous savez que Rodrigue Kwizera a représenté le Burundi lors des championnats du monde précédents à Budapest. Il a eu la 7e place. C'est une opportunité aussi pour les jeunes athlètes montants de voir leur niveau par rapport au niveau de ces experts que je peux appeler ainsi. Les résultats ont été bons et surtout que nous avons vu des jeunes filles et jeunes garçons qui sont encore jeunes. Cela nous donne l'espoir que d'ici quelques années, l'athlétisme du Burundi sera représenté comme elle est représentée aujourd'hui ou encore mieux. Et bouclons cette édition par cette nouvelle de Chibitoke où les agriculteurs de différentes communes plaident pour l'obtention des semences de maïs. Ils accusent le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage qu'il ne les distribue pas alors qu'ils sont disponibles. Béatrice Nyabenda leur demande plutôt d'attendre la fixation des prix de ces semences par la délégation du ministère en charge de l'agriculture pour passer à la distribution. C'est un reportage de Jackson Bahati, lu par Jean de Dieu Ilakodze. Ces cultivateurs se lamentent qu'ils viennent de passer une semaine à la recherche des semences du maïs, mais qu'ils demeurent sans réponse claire. Celui-ci, qui fait partie du nombre, pense qu'il y aurait des personnes qui les reçoivent par favoritisme. Nous sommes ici depuis lundi à la recherche des semences du maïs. Après le PMA, on nous a donné le rendez-vous de récupérer ces semences ici. Mais nous n'en avons pas eu. Ils nous ont donné un autre rendez-vous du lendemain. Ce jour-là, nous n'avons pas été servis. Nous sommes informés qu'il y a 4 tonnes déposées ici. Des particuliers véhiculés reçoivent 2 ou 4 sacs de ces semences. Mais nous, nous ne sommes pas servis. Selon ce dernier, ils subissent des pertes, notamment les moyens financiers et temporels, ainsi que d'autres travaux. Je suis en train de perdre. Je pourrais ne pas s'aimer à la tombée de la pluie. Depuis ce lundi, je consomme 5000 francs burundais de tickets et je passe toutes les journées sans travailler. On ment tout le président. Nous appelle à sa télé au travail. Il demande au ministère de l'Agriculture de procéder lui-même à la distribution de ces semences. Nous demandons au gouvernement de nous envoyer des autorités hiérarchiques pour distribuer ces semences. Le directeur du Bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage indique que ce bureau attend que les délégués du ministère sectoriel fixent les prix. Pour Béatrice Nyabenda, cela conditionnera la distribution de ces semences. Merci à Jackson Bahati et Jean Doudieu Ilakozi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Albert Ndouayo qui a assuré la mise en onde au micro d'Oreb Ngabile. Tout de suite, vous aurez droit à la revue de la presse avec Jean Bosco Ndouiman. Revue de la presse. Le Burundi participe à l'Expo 2023 au Qatar, en cours depuis lundi 2 octobre 2023 au 28 mars 2024, révèle Burundi Echo. La délégation burundaise est conduite par le ministre en charge du commerce et du tourisme, Marie-Chantal Nijimbere, précise ce journal. Dans la continuité de la journée nationale dédiée au Burundi, qui a eu lieu mercredi 4 octobre, en présence de la diaspora burundaise vivant à Doha, poursuit cet hebdomadaire socio-économique, il a été organisé jeudi 5 octobre 2023 un forum économique du Burundi en vue d'échanger sur les opportunités d'investissement que possède notre pays. L'exposition a été aussi l'occasion de déguster le café et le thé du Burundi, note Burundi Echo. Le Premier ministre déboute le représentant de l'entente sportive de toute prétention, rapporte Net Presse. En effet, en date du 3 octobre, le Premier ministre du gouvernement burundais, Gervais Ndirakobucha, à travers son directeur de cabinet, a adressé une correspondance au représentant légal de l'entente sportive de Bujumbura en guise de réponse à sa demande de renouvellement du bail emphytéotique du dit espace datant du 6 octobre 1993 et qui devait expirer le 5 octobre 2023. En vue de prévenir toute forme de spéculation de la part de cette association et partant de protéger les terres de l'État contre les usurpateurs et spoliateurs, poursuit son confrère, la primature a décidé de lui rappeler que les délais qui avaient été accordés pour remettre le terrain occupé de l'État reste maintenu jusqu'au 30 novembre 2023. Au-delà de cette date, écrit toujours Net Presse, reprenant cette correspondance, l'occupation du terrain sera considérée comme irrégulière et constituera de ce fait un acte répréhensible. La primature soutient par conséquent la décision du ministère de la Justice de mise en demeure et de ne pas renouveler le contrat de bail emphytéotique qui lie actuellement l'État du Burundi et l'entente sportive de Bujumbura, explique ce quotidien en ligne. Une journée mondiale de l'enseignant sans enseignant, fait remarquer le journal Iwachu, qui rappelle le thème choisi pour la célébration de cette journée jeudi. Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Pour son confrère, ce thème n'a rien rien avec la situation prévalant au Burundi, où certaines classes ou matières dans la plupart des écoles manquent d'enseignants. Dans sa note dédiée à cette journée, écrit le journal Iwachu, l'UNESCO fait remarquer qu'à l'échelle mondiale, les données confirment que, dans de nombreux pays, les jeunes générations et de nombreux enseignants en poste ne considèrent plus l'enseignement comme un métier attractif. Selon l'UNESCO, lit-on dans cette note reprise par l'hebdomadaire Iwachu, le manque de reconnaissance et de respect représente un autre motif, comme le montre la rémunération que les enseignants perçoivent dans de nombreux pays, malgré leurs compétences. Revue de la presse. L'impartialité de la justice, gage aux investisseurs, s'interroge un blogueur du collectif IAG. Il rapporte que le Burundi est en passe d'adhérer à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA en sigle. En marge de la première édition de la journée du droit au Burundi, une conférence débat a été animée autour du thème « Droit des affaires au Burundi, défis et perspectives ». L'expert international en droit des affaires, Stéphane Mortier, dans un entretien exclusif que partage ce blogueur du collectif IAGA, décortique les atouts de cet outil juridique pour le Burundi et les étapes déjà franchies. Justice encore et pour terminer, condamnation d'un voleur de canne à sucre dans une plantation de la Sosumo, révèle l'agence burundaise de presse. Une année de prison ferme avec une amende de 500 000 francs burundais est une peine que le tribunal de grande instance de Rutana a infligée à un certain Lemak Noihiki pour l'infraction de vol de la canne à sucre dans les plantations de l'usine Sosumo dans l'après-midi de mercredi lors d'un procès de flagrance qui a eu lieu sur la colline Gyofi de la commune Ebukemba. Lemak Noihiki, un jeune garçon de 19 ans, originaire de la colline Kigoma-Goma, en commune de Kayogoro de la province Makamba, a été appréhendé par les gardes des plantations le mercredi, assis dans une d'elles, en train d'en consommer une. Il avait déjà coupé trois cannes à sucre, comme l'ont confirmé les gardes. Noihiki a plaidé coupable. Fin de cette revue de presse, préparée et présentée par Jean-Bosco Nduimana. À la prochaine. Revue de la presse.